Que détruit-on quand on détruit une ville? Dans une série donc sur les catastrophes culturelles, nous nous demandons ce matin, dans notre émission d'archives, ce qu'est un urbicide. Hier, nous vous avons parlé avec Anis Artre Foria, spécialiste de l'histoire antique de la Syrie, des destructions qui ont eu lieu depuis le début de la guerre dans ce pays sur ces sites antiques, que ce soit à Palmyre ou à Apamée par exemple. Ce matin, nous allons nous intéresser à des crimes de guerre sur des villes encore vivantes et habitées, à ce qu'on appelle généralement un urbicide. Avec nos trois invités, Philippe Chassaigne, il est professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Il est co-organisateur d'un colloque récent qui s'y est tenu, un colloque d'historiens sur les urbicides, les destructions et les renaissances urbaines. À ce colloque, il y avait Bren Patterson, notre deuxième invité. Il est enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture à Paris-Malaquais et Paris-Lavillette. Et vous préparez, Bren Patterson, une thèse sur, justement, sous la direction de Georges Didier Huberman, sur la question de détruire l'espace. Et enfin, Nicolas Detry sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon, que nous remercions de l'avoir accueilli. Il est architecte et maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Et il est auteur d'une thèse récente, c'était en 2016, il y a deux ans, sur le patrimoine martyr et la restauration post-bellica. Bonjour Nicolas Detry. Bonjour. Ce que vous venez d'entendre, vous l'avez entendu sans image. Or, dans le début de votre thèse, l'introduction de votre thèse, vous expliquez que ce son et l'image qui l'accompagne, c'est la destruction du pont de Mostar en 1993 pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Et peut-être le début d'une prise de conscience pour vous, alors que vous étiez étudiant en restauration architecturale à Rome avec vos camarades. Vous étiez devant votre poste de télévision et vous avez vu cette destruction du pont de Mostar et c'était peut-être le début d'une prise de conscience et de la naissance lointaine. Vous êtes architecte praticien, vous travaillez justement à la question des restaurations de bâtiments anciens. La prise de conscience qu'il fallait peut-être réfléchir à ce qui était en train de se passer en ex-Yougoslavie, Nicolas Detry. Oui, effectivement, et réentendre aujourd'hui avec vous et nous inviter ce moment terrible est toujours une source d'émotion et c'est très étonnant parce que je n'étais jamais allé en ex-Yougoslavie avant 1994, la première fois que j'y suis allé. Mais quand on a vu ces images de la destruction du pont de Mostar avec tous ces amis qui venaient de plusieurs pays et qui étudiaient donc avec moi à Rome, c'était une émotion très forte. Et on a ressenti qu'il se passait quelque chose de très grave. Dans le sens où effacer les traces de la mémoire de ce pays extraordinaire de l'ex-Yougoslavie était quelque chose qui ajoutait encore du malheur au malheur qui est déjà celui de la guerre, qui est la première chose. D'abord les blessés, les morts, les déportés, qui est évidemment la conséquence la plus grave de la guerre, mais ajouter encore à ça la destruction des œuvres d'art, des monuments historiques, des ponts anciens comme le pont de Mostar, est encore surajouté du malheur au malheur. Donc ça, c'était effectivement une prise de conscience très forte. C'était le 9 novembre 1993, quelques années plus tôt, c'était le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, qui n'était pas encore considéré comme un monument historique, ce qu'il est aujourd'hui. Ce mur de Berlin chuté, on le détruisait pour passer d'est à ouest et d'ouest à est à Berlin. Et évidemment, à 4 ans de la disparition du mur mur de Berlin, ce qui se passait à Mostar et plus généralement en ex-Yougoslavie apparaissait à tout le monde comme quelque chose de tout à fait inattendu, le début d'une nouvelle guerre en Europe et dans cette guerre justement des attaques délibérées contre le patrimoine monumental et le patrimoine urbain et pas simplement sur des cibles militaires. C'est à ce moment-là que, un peu plus tard, d'ailleurs pendant cette guerre en ex-Yougoslavie, qu'un architecte qui a longtemps travaillé à France Culture, un historien de l'architecture qui s'appelle François Chalin et que dont nos auditeurs doivent se souvenir, donc François Chalin, dans La haine monumentale, cristallise l'idée qu'il y a des urbicides en ex-Yougoslavie. C'est cela, Nicolas Detri ? Oui. Le livre de François Chalin est une référence. Nous l'avons lu et relu et ça nous a beaucoup inspiré dans nos recherches. Et au même moment, en 93, il y a cet article extraordinaire dans l'architecture d'aujourd'hui, d'octobre 1993, sur Sarajevo, donc un article de François Chalin et un texte de Bogdan Bogdanovic, qui était donc un architecte serbe. Ancien maire de Belgrade. Ancien maire de Belgrade dans les années 80, un grand intellectuel, professeur à la faculté d'architecture de Belgrade et qui écrit justement ce texte sur l'urbicide ritualisé. Restera-t-il dans ce pays un peu d'urbanité ? C'est la question qu'il pose dans cet article célèbre de l'architecture d'aujourd'hui. Et disons que nous, plutôt chercheurs francophones, on a connu cette notion d'urbicide à partir de cet article de Bogdan Bogdanovic. Mais nos invités nous expliqueront que cette notion est plus ancienne, elle serait déjà venue des États-Unis dans les années 70. Et oui, d'ailleurs, j'ai à côté de moi Brent Patterson en studio à Paris. Bonjour Brent Patterson. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle à nos auditeurs, je l'ai dit tout à l'heure, que vous étiez enseignant à l'École supérieure nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et de Paris-Lavillette et que vous êtes en train de préparer une thèse sous la direction de Georges Didier Huberman qui s'appelle « Détruire l'espace » où justement vous allez vous poser la question du concept d'urbicide et de la façon dont il a cheminé depuis sa création. Et sa création, nous, on le pense et on était en train de le dire avec Nicolas Detri comme étant une création des années 90, mais ça remonte un peu plus loin, Brent Patterson. Oui, ça arrive un peu plus tôt, en fait, justement, et j'ai devant moi le livre de Martin Coward, qui est le politologue à l'université de Manchester, qui a pas mal travaillé, c'est le théoricien principal sur la notion de l'urbicide. Et lui, il date ça de 72, d'un article dans le New York Times de Ada Louise Huxtable, quand on parle des autoroutes à Manhattan. Et c'est aussi connu d'une référence de Marshall Berman, qui était un intellectuel public marxiste aux États-Unis, un peu une figure parallèle à Jane Jacobs, qui était très critique de tout le travail de Robert Moses, qui était un peu l'équivalent de la Baron Haussmann des années 20 ou des années 70. À New York. Oui, c'est-à-dire ceux qui avaient détruit la première ville pour en créer une autre plus aérée, plus grande, aux trottoirs plus larges et aux avenues plus larges également. Et cela, déjà, ça pouvait être considéré comme un urbicide. Ça n'est pas du tout le terme qu'on utilise aujourd'hui. Effectivement, on parle d'urbicide dans la volonté délibérée. Oui, contexte militaire plutôt. Voilà, de tuer une ville comme on tue des civils, en l'occurrence, Brent Patterson. Oui, tout à fait, cibler le patrimoine et aussi l'esprit civil, je crois. Enfin, il y a beaucoup de cette image par rapport à Sarajevo, en quoi c'était une manière d'attaquer l'image cosmopolite de la ville. Voilà, et on va en rediscuter avec notre autre invité, Philippe Chassaigne. Bonjour, vous êtes au téléphone avec nous depuis Bordeaux où vous enseignez et où vous avez organisé un colloque avec d'autres organisateurs, puisque vous étiez trois, avec Christophe Lastecquer et avec Caroline Lemao, qu'on salue, qui s'intitulait « Urbicide, destruction et renaissance urbaine entre le 16e et le 21e siècle ». Un colloque qui s'est tenu il y a une quinzaine de jours à Bordeaux-Montaigne et qui pose une question. Est-ce que, comme pour le terme de génocide qui a été inventé au XXe siècle, on peut remonter dans le temps et utiliser ce terme d'urbicide qui a été forgé soit dans les années 70, soit dans les années 90, mais enfin en tout cas popularisé dans les années 90 avec l'ex-Yougoslavie. Est-ce qu'on peut le faire remonter dans le temps comme vous avez tenté de le faire avec ce colloque qui rassemblait une bonne trentaine de chercheurs autour de cette notion d'urbicide, Philippe Chassaigne? Oui, on peut tout à fait. Alors, c'est effectivement l'approche que nous avions retenue, donc mes deux collègues et moi-même. Et bon, je salue Brent qui était au colloque d'ailleurs. Bonjour Philippe. Il y a peu de temps. Oui, on peut. Pour ce qui est de l'utilisation des années 70, ce qu'évoquait Brent Patterson, en fait, bon, en France, il y a un phénomène à peu près équivalent. Je rappelle que Louis Chevalier a écrit en 1975-76 l'Assassinat de Paris. Mm-hmm. pour qualifier les grands travaux qui avaient été entrepris sur le front de Seine dans le 15e arrondissement. Donc, alors je ne sais pas s'il avait lu les deux articles que Van Petersen évoquait ou c'était simplement la réaction du Parisien, du jeune Titi qu'il était. Bon, quand dans le Paris, on voit que le Paris qu'il regrette, le Paris des années 20-30. Bon, voilà. Mais il utilise ce terme d'assassinat de Paris et ce moment aussi où il y a toute la controverse autour du de la destruction des Halles, le trou des Halles, où là encore on parle d'un quartier qui va mourir. Mmh. Donc oui, une ville lorsque bon Charles Quint mais enfin bon la ville de Rome à 5 lorsqu'il rase complètement Thérouanne, c'est un urbicide. Et bon, nous n'allions pas jusqu'à l'époque romaine, mais bah, finalement lorsque les Romains rasent et Carthage et dit-on plante sème du sel sur les sillons, sur les ruines pour que rien ne repousse. C'est aussi une volonté de détruire complètement la ville, de l'effacer complètement. Même si, bon, on sait maintenant que jusqu'à l'invention du bulldozer, on n'a pas détruit complètement une ville. Il y a toujours quelque chose qui subsiste un peu, puis qui permet ensuite la renaissance de la ville, qui était justement l'autre aspect du colloque, les renaissances urbaines. Oui, quoi qu'on ait récemment diffusé un documentaire formidable que j'engage nos auditeurs à réécouter sur la disparition du site de La Motte, la ville de La Motte, qui était une ville frontière donc entre le Royaume de France et le Duché de Lorraine pendant la guerre de 30 ans, une ville qui a été entièrement rasée, qui n'a jamais été reconstruite après sa destruction, effectivement. Donc c'est une vraie question, effectivement, de se poser la question de savoir comment qualifier cet urbicide. Qu'est-ce qu'il y a derrière, pourrait-on dire, Nicolas Detrie, qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière ce terme d'urbicide? Est-ce qu'il y a une typologie à écrire justement et à concevoir pour dire voilà, un urbicide c'est ça, parce qu'entre des travaux urbains de grande ampleur comme ceux d'Haussmann ou ceux dont parlait tout à l'heure Brent Patterson à New York dans les années 20 et 30 et la destruction d'une ville par la guerre, ça n'est pas exactement la même chose. Non, je pense effectivement que les choses sont très différentes et qu'on pourrait faire une sorte de typologie d'urbicides différents. Et il me semble que c'est Albert Camus qui disait que quand les choses sont bien nommées, ça pourrait éviter beaucoup de malheurs. Donc il faut bien nommer les choses. Et l'urbicide de Sarajevo et de l'ex-Yougoslavie est quand même très particulier. C'est-à-dire, on a bien expliqué qu'il y avait une question de rapport entre les campagnes et les villes. C'est François Chalin en particulier qui l'explique. Oui, François Chalin. La haine de la ville, Bénédicte aussi, Trajnek, l'ont bien expliqué. Et Bogdanovich l'écrit très clairement dans son article de 93. La ville représenterait le cosmopolitisme, cette qualité de l'urbanité qu'on pourrait peut-être définir en lisant par exemple Stefan Zweig, Le Monde d'hier. On comprendrait qu'est-ce que c'était que cette notion d'urbanité, par exemple. Et à ce moment-là, notamment les Serbes très impliqués dans ce conflit, mais pas seulement, c'est un conflit très complexe, veulent vraiment détruire ce cosmopolitisme, et c'est une sorte de génocide à la fois, le véritable génocide et un génocide patrimonial. Donc ils veulent effacer, en fait, serbiser, si on peut dire, la ville de Sarajevo, enlever tout ce qui serait de population bosniaque à Sarajevo. C'est la même chose avec Vukovar. Vukovar a été complètement détruite par les Serbes en 91, avec des massacres, des génocides. Les Serbes avaient à un moment donné le projet de faire une sorte de ville serbo-byzantine, de transformer une petite Vienne baroque, Vukovar, au bord du Danube, en une sorte de ville serbo-byzantine complètement rêvée. Et on va prendre un autre exemple, puisque vous évoquez Sarajevo. Écoutons, pour nous rafraîchir la mémoire, Intermatin, donc c'était sur France Inter, un journal, Serge Martin intervient. Nous sommes le 14 avril 1992. Sarajevo d'Anas. Au fur et à mesure que les jours, que les heures passent, la Bosnie-Herzégovine s'enfonce dans la violence. Conséquence, Sarajevo est aujourd'hui une ville coupée du monde. À l'exception du téléphone, qui heureusement fonctionne encore, il est devenu impossible de communiquer avec l'extérieur. Impossible de quitter cette capitale dont le statut olympique n'est plus qu'un lointain souvenir. Tout autour de la ville, sur les hauteurs, les montagnes, les collines, 1700 serbes et armées fédérales contrôlent la situation, lâchant de temps en temps des obus sur le vieux quartier musulman. À l'intérieur, les habitants ont beau tenter d'oublier les obus et les tireurs isolés, le cœur n'y est plus. C'est vrai que les files d'attente ont repris hier matin devant les boulangeries, les magasins d'alimentation, mais les bureaux, les administrations restent désespérément fermés. Quant aux passants, qui avaient plutôt l'habitude de regarder devant leurs pieds afin d'éviter les trous et les irrégularités des trottoirs, ils marchent aujourd'hui, les yeux levés vers les toits, les fenêtres, d'où à tout moment le canon d'un fusil peut apparaître. Le climat est si incertain, si tendu, que beaucoup essaient de quitter la ville, mais en vain. C'était en 1992 et pour notre part, nous retournions en 2009 à Sarajevo devant un bâtiment symbolique justement de cette urbicide de Sarajevo, la bibliothèque et l'ancienne hôtel de ville. Nous sommes devant cette bibliothèque nationale qui est un des signes justement de l'implantation de l'Autriche-Hongrie et des Austro-Hongrois dans cette ville de Sarajevo. Pourquoi l'avoir voulu ici et quelle était la volonté de l'Autriche-Hongrie en l'installant ici, dans cette vieille ville de Sarajevo? Les autorités austro-hongroises, bien sûr, en occupant la Bosnie-Herzégovine, avec la construction de bâtiments monumentaux tels que la Bibliothèque nationale, le Musée national, le Théâtre national, la cathédrale, ainsi ils voulaient témoigner leur domination et l'arrivée donc du nouveau pouvoir dans ce territoire. De nombreux historiens d'art critiquent tel bâtiment monumental dans cette petite structure donc fragmentée de cette partie marchande de l'ambiance ottomane, de l'époque ottomane, ne fait pas partie, en fait, ne s'inscrit pas bien dans le cadre de cet empire ottoman. Puisque nous aimons décidément beaucoup cette ville de Sarajevo, nous y sommes retournés en 2014, le 27 juin 2014, à l'occasion donc de cérémonies qui commémoraient l'assassinat de l'archiduc et donc qui mettait cette ville de Sarajevo dans le cœur de l'Europe entière. Une balade radiophonique que nous avions accomplie avec l'historien Nicolas Offenstadt. Nous nous trouvons justement devant cette même bibliothèque de Sarajevo reconstruite après la guerre d'ex-Yougoslavie et une plaque commémorative qui fait débat. On est devant un hôtel de ville qui, aujourd'hui, fait problème dans les cérémonies de 2014. Pourquoi ? Parce que devant cet hôtel de ville, il y a une plaque qui a été érigée après le siège de Sarajevo, qui rappelle la barbarie serbe dans la manière dont elle a bombardé notamment la bibliothèque et dont les livres ont disparu. Donc c'est une plaque qui dénonce la barbarie serbe lors de la guerre des années 1990 et du siège de Sarajevo, et qui est juste devant le fronton de la bibliothèque devant laquelle on est. Or, évidemment, comment aujourd'hui commémorer le 28 juin 1914, en 2014, il aurait fallu, ou sans doute c'était une espérance d'un certain nombre d'organisateurs, que toutes les nations qui étaient mêlées à ces événements d'autrefois puissent commémorer. Et un des éléments pour lesquels les Serbes se sont mis à distance des cérémonies et ont refusé de participer ici à Sarajevo à tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé dans la semaine qui entoure le 28 juin, c'est aussi en partie parce que cette plaque les aurait mis face à la dénonciation de leur propre barbarie. Et donc on voit que encore aujourd'hui, et cette bibliothèque en est le symbole, la difficulté de commémorer le 28 juin 1914, elle est vraiment très importante, puisqu'encore une fois, les Serbes ont décidé de faire bande à part. Et ici, on est dans un lieu qui symbolise cette volonté des Serbes de ne pas se mêler au 28 juin. Et comme il faut des images symboles pour pouvoir toucher une opinion internationale quand on attaque une ville, eh bien, une de ces images a été évidemment le violoncelliste Vedran Smajlovic qu'on écoute pour l'instant, qui jouait l'adagio d'Albinoni un peu partout pendant toute la guerre en ex-Yougoslavie à Sarajevo jusqu'en 1993. Et là, il jouait donc dans cette bibliothèque détruite qui avait été la cible des bombardements serbes sur la ville de Sarajevo. Je rappelle que nous sommes donc dans cette fabrique de l'histoire aujourd'hui en compagnie de trois invités pour parler des herbicides avec Philippe Chassaigne qui est avec nous au téléphone, avec Nicolas Detrick qui est en duplex depuis les studios de Lyon et avec vous Bren Patterson. Voilà cette séquence autour de Sarajevo, de sa mémoire, de cette notion d'herbicide parce que c'est ce qui nous a permis de le faire entrer, ce terme d'herbicide, dans notre quotidien, pourrait-on dire, par l'intermédiaire du travail de François Chalin et de son livre La haine monumentale. Qu'est-ce qui s'est passé et comment peut-on dire au bout du compte que cette bibliothèque de Sarajevo, par exemple, était une cible culturelle et pas une cible stratégique? Parce que, évidemment, quand il y a guerre, les belligérants peuvent se réfugier dans des lieux culturels et à partir de ce moment-là, deviennent à partir de ce moment-là des lieux militaires. C'est une des questions, évidemment, que l'on met en débat quand on traite de la question de l'herbicide, Bren Patterson. Bon, il y a plusieurs aspects, en fait, justement. Donc, il y avait plus de millions de volumes, une certaine quantité des livres, des manuscrits. Donc, c'était pas qu'une culture monumentale, enfin, pas qu'une culture architecturale. Oui, des manuscrits byzantins, des manuscrits austro-hongrois, etc. Et puis, en plus, c'est très complexe parce que du coup, c'était fait dans un style néo-mauresque, donc un choix très idéologique de la part de l'autorité austro-hongroise. En quoi ça, c'était une manière d'évoquer une architecture islamique sans aller vers une architecture ottomane. Donc ça, c'est un enjeu aussi dans la question de en quoi l'architecture en tant que cible symbolique prend place. Et puis, vous avez évoqué en fait justement l'image de la violoncelliste en train de jouer. C'était une photo assez iconique à l'époque. Donc une image de la deuil, mais aussi de la résistance. Mais à la fois aussi assez problématique, parce que du coup, ça renforce une certaine image de la haute culture et qui nourrit ce débat de espèce de cosmopolitanisme qui était attaqué justement par les Serbes et qui n'est pas forcément très nuancé comme débat. Oui, on y reviendra avec vous effectivement parce que cette question d'un violoncelliste qui joue en tenue de joueur, de musicien d'opéra par tout exemple, au milieu d'une bibliothèque détruite, effectivement, c'est un énorme symbole qui rappelait d'ailleurs Rostropovitch devant le mur de Berlin, jouant lui aussi en l'occurrence, mais c'est aussi effectivement un symbole de distinction, pourrait-on dire, culturelle. Nicolas Detry, sur ce moment particulier qu'a été le siège de Sarajevo et ce qu'on a pu ressentir devant ce qui s'y passait. Et alors, il y avait ce film extraordinaire de Théo Angelopoulos, Le regard d'Ulysse, qui était dans ces années-là, qui a exprimé avec une très grande poésie, en même temps, le drame de cette guerre fratricide. Et moi, je voulais revenir sur cette question de l'effacement des traces et de l'effacement de la mémoire. C'est-à-dire que dans toutes les guerres, les belligérants tentent d'effacer les traces, les monuments, les œuvres d'art, les musées de l'ennemi. Mais en réalité, c'est ce qui est important, c'est la question aussi du récit. C'est-à-dire que tenter d'effacer les traces ne produit pas l'oubli. Mais ça, on court même le risque, en fait, d'aiguiser le souvenir de la chose effacée. Hein, et c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé la perte retrouvée. C'est-à-dire qu'on tente, en détruisant les monuments, d'effacer toutes ces traces, mais ces traces, en fait, ne disparaissent pas. Umberto Eco parle de texte comme instrument pour oublier, ou pour rendre larvé ou secret quelque chose. Et en fait, le récit, c'est-à-dire le récit des belligérants est extrêmement important. Comment ils ont réussi à galvaniser, finalement, les soldats serbes par un récit. Et tout part de ce récit. Et là, ce qui est aussi terrible dans cette guerre de l'ex-Yougoslavie, c'est que les intellectuels ont pris vraiment part à ce récit, totalement faux et totalement idéalisé, hein, bien sûr, l'idéologie, et qui est toujours le moteur de la guerre. Enfin, le récit, l'idéologie est le moteur de la guerre. Philippe Chassaigne, vous êtes avec nous au téléphone. Je rappelle que vous avez co-organisé ce grand colloque de deux jours qui s'est tenu les 12 et 13 septembre à Bordeaux, de trois jours même, jusqu'au 14 septembre à Bordeaux, à l'université où vous enseignez. Et vous avez tenté justement de montrer avec divers historien d'architecture, historien d'urbanisme, combien cette notion d'herbicide pouvait être intéressante pour les historiens, même s'il y a, on l'a dit tout à l'heure, des ambiguïtés, pourrait-on dire, sur ce que l'on qualifie d'herbicide. Oui, effectivement, parce que si on prend la une définition étroite, donc et qui tourne autour des exemples que l'on vient de voir, donc la volonté de détruire non seulement matériellement, mais aussi culturellement une ville pour ce qu'elle représente, le cosmopolitisme, le lieu des savoirs, des circulations et tout. Bon, dans ce cas, on aura un nombre plus restreint d'exemples d'urbicides dans l'histoire. Mais bon, lorsque les Allemands détruisent 90% de Coventry en 1940, et lorsque Churchill, en réponse, entre guillemets, fait raser Dresde par des flottes entières de bombardiers en 1945, voilà, c'est aussi la volonté de détruire une ville pour frapper l'opinion publique. Les Allemands, dans le premier temps, espérer ainsi démoraliser les Britanniques et les amener à pousser Churchill à ouvrir des négociations de paix, tandis que bon voilà, pour la destruction de Dresde, c'est un peu l'inverse, c'est vraiment montrer aux Allemands que la guerre est définitivement perdue pour eux, que la supériorité technologique, matérielle, aéronautique du côté des Alliés, et que voilà, leur gouvernement n'a plus pour longtemps. Mais il y a tout de même dans cette question donc de l'urbicide des questions qui se posent justement sur la possibilité de prendre cette notion et de l'appliquer à tous les territoires du monde entier. Par exemple, un auditeur me mentionne là pour l'instant que la Chine, on pourrait se poser la question de savoir comment Shanghai et Pékin sont reconstruites et même détruites par le pouvoir chinois ces temps-ci, et on pourrait se poser la question dans d'autres espaces géographiques. Un autre auditeur m'alertait ce matin en me disant, mais tout compte fait, la destruction de Caen et de la Normandie, de beaucoup de villes de Normandie comme Saint-Leu, peut participer justement à cette notion d'urbicide. Et comme la notion n'existait pas, on ne peut que l'appliquer rétrospectivement, Philippe Chassaigne. Voilà, ça participe effectivement de ce genre de démarche. Bon, on peut penser aussi aux villes martyres au nord de la France, hein, pendant la première guerre mondiale. Donc, aussi bien les bombardements continus de Reims. Bon, la ville n'a pas disparu complètement. En revanche, la ville d'Ypres, hein, au sortir de la guerre, le surnom qu'on lui donne, c'est Ypres la morte. Et toutes les photos aériennes que l'on a montrent, il y a des habitants qui vivent toujours, mais bon, ils vivent au milieu des gravats, des impacts d'obus. Enfin, c'est un paysage lunaire que l'on voit à la fin du conflit. Oui, d'ailleurs, vous insistez beaucoup dans votre travail de thèse, Nicolas Detry, sur la Première Guerre mondiale. On sait qu'il y a un livre qui vient tout juste de sortir qui sort ces temps-ci chez Gallimard sur la cathédrale de Reims et sa destruction pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, sa destruction non pas totale, mais disons les bombardements sur Reims. Et vous expliquez que à la fois le sac de Louvain pendant l'été 14 par les troupes allemandes de la Première Guerre mondiale et le bombardement de la cathédrale de Reims par l'artillerie allemande le 19 septembre 1914 sont considérés par en particulier par les Français à ce moment-là comme et les Belges comme étant des massacres patrimoniaux de première grandeur. Apollinaire écrit « Entend crier Louvain, voit Reims tordre ses bras » ou encore, dites-vous, Romain Rolland qui écrit avec un prix Nobel de littérature allemand, Gerhard Hauptmann, Louvain avec ses trésors d'art, de science, la ville sainte, c'est le patrimoine du genre humain, vous en êtes, comme nous tous, les dépositaires, dit-il aux Allemands. Oui, effectivement, il y a une mobilisation des intellectuels dans toute l'Europe qui sont complètement indignés face à cette catastrophe culturelle de la destruction de la bibliothèque de Louvain et de la cathédrale de Reims. Et Albert Londres, qui arrive en vélo à Reims à ce moment-là, juste après les bombardements de la cathédrale de Reims, écrit un texte extraordinaire qui va contribuer d'ailleurs au début de sa carrière de grand écrivain et de grand journaliste. Et il y a des pièces de théâtre d'ailleurs où la cathédrale de Reims et la cathédrale de Strasbourg sont toutes les deux incarnées par des grands acteurs, notamment Sarah Bernhardt et Marie Marquet, interprète la cathédrale de Strasbourg. C'est Sarah Bernhardt qui vient tout juste de se faire opérer et qui vient de perdre une jambe, et Marie Marquet interprète la Notre-Dame de Paris. Nous sommes en 1915, un spectacle que je ne connaissais pas qui s'appelait Les cathédrales en l'occurrence. Oui, les cathédrales. Et on revient, je pense, à cette question du récit que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le récit à la fois de la destruction, mais le récit qui est fait par à la fois la population, par les intellectuels dans les débats sur l'après-destruction, c'est-à-dire comment nous allons restaurer, comment nous allons reconstruire, est extrêmement important. Mm-hmm. Hein, par exemple, Florence a été dynamitée en mois d'août 1944, et il y a une destruction de immense, qu'on a une énorme lacune urbaine le long de l'Arno, et les débats sur la reconstruction de Florence qui vont durer à peu près 5 ans, sur comment on va reconstruire Florence, tous ces récits sont d'un très très grand intérêt et toujours d'une certaine façon actuels aujourd'hui. Peut-être si un jour nous devions réfléchir à comment il faudrait reconstruire Alep, en espérant qu'un jour cette guerre épouvantable s'arrête, les débats qui ont eu lieu à Florence pendant 5 ans pourraient être très utiles pour nous faire réfléchir à des choses qui sont malheureusement cycliques et qui reviennent perpétuellement dans l'histoire. Ouais, la question de la restauration critique, ou alors effectivement une réflexion qui avait été menée avant la guerre par des historiens d'art comme Giulio Carlo Argan et Cesare Brandi, jeunes historiens d'art à l'époque qui avaient participé à la création de l'Institut central de restauration de Rome, qui vont donc tous, après avoir réfléchi, se lancer dans cette restauration de la ville de Florence. Ce qui peut expliquer aussi combien, quand il y a eu les fameuses inondations de Florence dans les années 60, eh bien, toute l'Italie s'est précipitée sur cette ville qui venait tout juste d'être reconstruite ou en cours de restauration. Bren Patterson, sur ces questions d'urbicide. Ben, pour revenir peut-être dans le contexte de la Bosnie, justement, souvent la reconstruction, c'est une espèce d'oubli. Ça peut être une manière de rendre invisible aussi les choses. En ce moment, je suis en train de travailler un peu sur Banja Luka, qui est la ville la plus grande de la République Srpska à l'intérieur de la Bosnie, où justement, il y avait 15 mosquées qui étaient détruites. Et justement, bon, le sol qui était fait d'une manière, enfin, la reconstruction est faite d'une manière plus ou moins, disons, correcte, c'est la Fredi Mosque, qui est la mosquée principale de la ville, mais il y a tout un débat sur le fait que est-ce que avec les 14 autres mosques, c'est à la communauté islamique de la ville de le faire, et si oui, comment? Il y a un aspect un peu cynique aussi de la côté de le gouvernement République Srpska. En quoi, si c'est pas fait correctement, est-ce que c'est vraiment de le patrimoine? Donc la question de est-ce qu'une reconstruction peut être de le patrimoine? Alors, on avait un exemple sous les yeux au Moyen-Orient, c'est la ville de Beyrouth, donc qui a été entièrement ou presque entièrement reconstruite. Un extrait d'un grand documentaire de Sylvie Andreu pour France Culture qui s'intitulait « Les années Liban ». Nous étions en 1992 et on commençait à détruire les traces de la guerre pour pouvoir entamer la reconstruction. Aujourd'hui, on commence à démolir quelques bâtiments de cette partie de la ville pour, disons, mettre en chantier la reconstruction. Ils ont commencé au centre-ville et ils devraient continuer bientôt sur la ligne de démarcation. Ce qui fait que les immeubles les plus terribles qui donne une image effroyable de Beyrouth vont disparaître dans quelques temps, et si ce ne sont que ceux-là qui sont détruits, ce sera déjà pas mal, parce que c'est insupportable comme image. À ce carrefour, nous avons des gendarmes qui sont là parce qu'ils s'attendent peut-être à des réactions de protestation des anciens propriétaires des immeubles qui vont être détruits. Nous avons beaucoup d'ouvriers qui sont, vous avez à l'arrière-plan quelques bennes qui sont en train de travailler. On est probablement en train de préparer de la dynamite pour faire sauter quelques immeubles. كأنها 14 ans se sont passés entre ce reportage de Sylvie Andreux sur les années Liban pour France Culture en 1992 et donc en 2016, plus que 14 ans d'ailleurs, la Maison Jaune réouvrait. Donc la Maison Jaune, c'est ce témoin qu'on a laissé presque comme tel des combats sur la ligne de front à l'intérieur de Beyrouth. L'architecte Youssef Haïda est interrogé en 2016 par le journal L'Orient Le Jour, donc au moment de la réouverture de ce bâtiment qui deviendrait normalement, qui devrait devenir une sorte de musée de la guerre civile au Liban. On est dans le patio d'entrée, où on rentrera toujours par la faille de ce bâtiment-là, qui était vraiment l'accès d'origine de ce bâtiment, qui vient vraiment créer toute cette découpe de ciel très particulière. Et là, ce que vous voyez, ce que vous allez voir partout, c'est terminé. En fait, on a terminé le chantier, on est dans les petites phases de finition. Considérer ce bâtiment-là plutôt comme un être vivant, qui a 90 ans d'âge, et qui a toute une histoire, qui a des rides, des blessures, des fractures, etc. Et pour nous, il n'était pas du tout question de faire un lifting et de le rajeunir, et de, qu'il ait 20 ans, etc. Et il faut bien qu'il soit très fonctionnel et qu'il soit totalement adapté au nouvel usage, à une nouvelle utilisation, parce que c'est avant tout un véritable outil. Mais il fallait absolument qu'il garde en lui toutes ces couches de mémoire, toute cette histoire, à travers vraiment les époques qu'il a traversées. Voilà donc pour ce reportage de L'Orient Le Jour, donc le journal qui interrogeait en 2016 l'architecte de Beit Beyrouth, cette maison jaune que connaissent tous les Beyrouthins. Brent Patterson, on voit bien qu'il y a là, dans cette reconstruction, toutes les questions qui se posent. Que reconstruit-on? Comment le reconstruit-on? Doit-on laisser les traces de la guerre? Tout le centre-ville de Beyrouth a été entièrement refait. Il n'y a plus aucune trace de balles ou d'éclats d'obus sur les bâtiments, mais on a conservé une sorte de bâtiment martyr, cette architecture de ce bâtiment des années 20-30, donc très belle architecture d'ailleurs de l'époque, qui a été à laquelle on a adjoint une partie moderne pour en faire un musée de la guerre civile, en disant on reconstruit tout le reste, mais on gardera une trace, et cette trace-là, ça sera celle-ci. Oui, tout à fait. Donc, c'est une cas assez problématique par rapport à les débats actuels dans la ville. Enfin, il y a des côtés qui sont pas forcément d'accord sur le fait d'avoir gardé ça déjà en tant que trace. Après, d'annoncer que ça soit un musée quand actuellement il n'y a pas une collection. Donc, ça, c'est aussi une manière d'annoncer les choses, mais c'est pas vraiment assumé. Donc c'est une grande question, comment se servir de la passée et de ces traces, et aussi le contexte de la période de reconstruction, qu'est-ce qui se passe par rapport à les conflits, la gouvernance dans les villes, et aussi des enjeux même de corruption qui passent autour de ça. Oui, sur ce point, Nicolas Detry, c'était le cœur, pourrait-on dire, de votre travail de thèse, le patrimoine martyr et la restauration post-bellica. On a bien compris que l'après-première guerre mondiale, l'après-seconde guerre mondiale ont été des moments très intenses, avec en particulier la reconstruction qu'on pourrait qualifier avec une majuscule, un grand R, de la France dans les années 40-50, par exemple, à l'issue, ou de la Belgique, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et des destructions terribles des villes françaises et belges, par exemple, dans ce conflit. Mais il y a d'autres cas, plus récents, qui posent aussi la question de savoir si on fait toujours la même chose au même endroit. Dans des endroits différents, pardon. Non, bien sûr, on ne peut pas toujours faire la même chose, mais bien sûr, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette maison jaune. Je pense que c'est très important de garder les traces de la guerre civile au Liban, et d'en conserver la mémoire. On pourrait comparer ça, par exemple, avec le Neues Museum de Berlin, qui a été reconstruit de façon magistrale par l'architecte anglais David Chipperfield, où ce musée est un bâtiment du 19e siècle. Moitié 19e siècle, qui restait en ruine puisqu'il était passé du côté de Berlin-Est, a été restauré donc au début des années 2000 en conservant beaucoup, beaucoup de traces du moment où il était un bâtiment en ruine, tout en lui redonnant sa nouvelle fonction de grand musée qui fonctionne magnifiquement bien, mais où toutes les traces de la guerre sont quand même visibles, sont tangibles. Et il me semble que pour arriver à faire ce type de restauration dite critique et créative, Il faut que le conflit soit apaisé. Et ça, c'est extrêmement important. Si le conflit n'est pas complètement apaisé, alors ce sera une reconstruction de type à l'identique, comme la bibliothèque de Sarajevo, où on va vouloir effacer ces traces d'un moment tragique, qui est beaucoup trop douloureux encore dans la mémoire, et donc reconstruire comme si ne rien n'était, c'est-à-dire entre guillemets à l'identique. Oui. Mais les reconstructions à l'identique n'existent pas. Il n'y a jamais de reconstruction à l'identique. C'est absolument impossible. Mais on tend vers l'identique, si vous voulez, dans certains cas. Philippe Chassaigne, vous qui avez co-organisé ce colloque donc avec Christophe Lastecquer et Caroline Lemao à Bordeaux il y a une quinzaine de jours autour des urbicides, des destructions et des renaissances urbaines, j'imagine qu'en trois jours, vous avez eu le temps avec tous les participants, dont Bren Patterson, de discuter justement de ces questions, de ce que l'on fait d'une ville martyre, d'une ville qui a été ciblée pour sa culture et son urbanité dans un conflit. Est-ce qu'on la laisse dans un état de ruine, par exemple, comme on a pu le faire, c'était l'exemple d'Oradour-sur-Glane, par exemple, ou est-ce qu'on la reconstruit et que reconstruit-on pour pouvoir justement garder la trace tout en perpétuant la mémoire de ce qui s'est passé? Oui, il y avait une intervention très intéressante qui prenait le cas de deux villes donc situées à l'est de l'Europe, donc l'une en Pologne, à Varsovie, et donc la ville de Minsk en Biélorussie, bon, qui faisait partie à l'époque de l'URSS, et bon, deux villes qui étaient également, enfin degré égal hein, de destruction, 80-90% à la fin de la guerre, et bon, on dit souvent qu'à Varsovie, la ville a été reconstruite à l'identique. En fait, bon, déjà quand on se rend sur place, on regarde des cartes postales, donc production des cartes postales d'avant la guerre, souvent que c'est pas vraiment une reconstruction, pardon, à l'identique. Il y a des choses qui rappellent, il y a un style architectural qui rappelle la ville du XVIIIe siècle, mais la cathédrale n'a pas été reconstruite à l'identique, le château royal non plus. Et pour ce qui est de la ville de Minsk, en fait, c'est une ville nouvelle qui voit le jour et qui est destinée à glorifier le communisme et sous sa capacité à, dans sa capacité à pouvoir reconstruire une ville monumentale extrêmement rapidement à la fin de la guerre. Et donc, ce sont deux exemples qui étaient cités par Fabien Bella pendant ce colloque donc, que vous organisiez à Bordeaux. Et il y en a sûrement d'autres parce que, effectivement, selon les sphères géographiques ou les sphères culturelles ou les aires culturelles, en l'occurrence, Bren Patterson, on ne voit pas de la même manière la question de la reconstruction. Il n'y a pas peut-être le même fétichisme du patrimoine que dans la sphère occidentale où, effectivement, si on a bien lu Françoise Choët, par exemple, on sait que l'authenticité et la nécessité de recréer à l'identique ou le plus authentique possible un bâtiment détruit, c'est une particularité européenne occidentale. Oui, tout à fait. En fait, votre invité d'hier a évoqué une espèce de Disneyisation, en fait, dans certaines reconstructions qui va justement vers la critique de François Choët sur l'effet du tourisme sur les villes rebâties. Je pense notamment à Mostar où le Stalingrad, le centre, la vieille ville, c'est vraiment devenu une espèce de centre commercial et du coup, ça n'a pas gardé le patine qu'il y avait d'avant. Donc, il y a quelque chose qui est perdu dans ça. Et aussi culturellement, il y a des arguments en quoi, pour beaucoup de cultures, le patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Donc, il faut que ça soit... Enfin, déjà, c'est un patrimoine ordinaire, c'est pas forcément reconnu comme monumental, comme on voit plutôt dans les aspects européennes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on est en train de vivre dedans et qui est en train de moduler dans la vie quotidienne. Vous voulez dire qu'il y aurait une vision... pour mettre ce passé traumatique, par exemple, sous une cloche de reconstruction quasiment à l'identique. On sait qu'on a compris qu'on ne faisait pas de reconstruction à l'identique, mais disons le plus proche possible du modèle d'origine, sans vouloir ensuite le faire évoluer, parce que effectivement, on perdrait la trace de cette histoire ancienne et on ne ferait pas un urbanisme qui pourrait, disons, se développer avec la vie des habitants, par exemple, Bren Patterson. Tout à fait. Soit il y a l'envie de revenir à la vie normale, soit il y a le choix qu'on avait vu beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale de la table rasa. Et puis, expérimenter un peu moins, enfin plutôt conceptuel, c'est le travail de Libius Woods sur la reconstruction, mais avec une notion de garder les traces des cicatrices de la guerre. Donc, il évoque cette architecture de traces de cicatrices où on voit sur les façades l'histoire, enfin les impacts des bombes. Exactement. Ouais. Oui, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, vous qui êtes spécialiste de ces questions de reconstruction et praticien? On a avec nous ici en studio Brian Patterson, qui est un théoricien, justement enseignant à l'École supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et de Paris-Lavillette. Et vous, vous êtes à la fois enseignant et architecte praticien, Nicolas Detry, et vous mêlez les deux, justement, la pratique architecturale et la théorisation, justement, sur cette question du patrimoine martyr. Oui, effectivement, et nous avons la chance actuellement de travailler sur le château de Grignan, qui pourrait être un patrimoine martyr, mais détruit lors de la Révolution française, et puis petit à petit reconstruit avec des parties inachevées, que sur lequel nous travaillons actuellement, donc dans la Drôme. Moi, il me semble qu'il est important d'avoir une pluralité d'approches, et je resterai assez pragmatique et en me disant que c'est du cas par cas. C'est-à-dire que dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque ville, on va approcher les choses de façon différente, alors que bien sûr l'arsenal théorique, on va dire, va nous aider. Bien sûr, ça nous aide à réfléchir. Vous avez contribué à l'augmenter cet arsenal théorique en faisant une thèse sur le sujet tout de même. Merci. J'ai essayé en tout cas. Et par exemple, en Allemagne, c'est assez extraordinaire les reconstructions, parce que l'Allemagne est, après 1945, à un degré de destruction incroyable. Il faut citer les travaux de Bessler et Gutschoff qui avaient réfléchi sur le destin de guerre de l'architecture allemande dans un grand livre en 1988. Voilà, exactement. Et ou par exemple, les travaux de ce grand architecte allemand, Rudolf Schwarz, qui va à la fois construire des églises nouvelles et à la fois, à partir des fragments restés en place de morceaux d'églises, va reconstruire de nouvelles églises dans lesquelles il intègre les restes de ces églises dans une nouvelle architecture qui est une recomposition complète. Et je pense que sur ces reconstructions d'églises, l'Allemagne est assez extraordinaire et exemplaire. Mais la France aussi, avec Saint-Lô, le travail de Yves-Marie Froidevaux à Saint-Lô, ou Notre-Dame de Saint-Lô, qui avait deux grandes tours sur son massif occidental, n'en a plus qu'une. La façade est reconstruite en retrait avec ce magnifique mur de schiste vert, qui est comme une espèce de guérison, de soins, si vous voulez, de cette église, sans la reconstruire à l'identique, mais qui conserve tout le passage de cet édifice dans le temps. C'est-à-dire que est-ce qu'il est conservé le passage de l'édifice dans le temps, c'est bien ce qui a été évoqué par cet architecte libanais de façon très juste, et même les temps de la rupture de l'histoire, c'est-à-dire les temps terribles de la guerre sont aussi ce temps, et je pense qu'il est important d'en conserver la trace pour les générations futures. Et ça permet de faire une archéologie du bâti pour les générations futures, ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, voilà. C'est-à-dire de voir dans les murs les traces historiques des reconstructions, destructions et reconstructions. Voilà, et il y avait aussi, je pense, chez ces architectes qui ont travaillé dans les années 50-60, une dimension éthique, une dimension morale. Il y a toujours le plus jamais ça. C'est-à-dire que cette guerre a été épouvantable, nous restaurons nos monuments, mais attention, les générations futures, il n'est plus question que l'Europe entre en guerre, et si les monuments incarnent cette histoire tragique, mais avec une fois qu'elle est apaisée, au moment de la construction politique de l'Europe, c'est extrêmement important que ces traces restent encore visibles. Si on efface tout, ce qui est en train de se faire d'ailleurs dans l'ex-Allemagne de l'Est, aujourd'hui bien sûr Allemagne réunifiée. Et nous recevions à ce propos Nicolas Hoffenstadt il y a peu de temps, effectivement, sur la question de la trace de l'Allemagne de l'Est. Oui. Voilà, pardon. Non, je vous en prie. Philippe Chassaigne, pour conclure, votre grand colloque qui a duré 3 jours à Bordeaux il y a une quinzaine de jours a donc vu beaucoup d'idées se confronter autour de cette question du thème de l'urbicide et des reconstructions post-guerre. Vous allez le publier bientôt, on va pouvoir avoir une teneur de ce qui a été dit si on n'y a pas assisté. Oui, absolument. Les participants vont bientôt recevoir des consignes pour la remise des textes. J'ai Brian Patterson qui est à côté de moi, qui est en train de hocher. Pour le format, etc. Et nous allons le publier aux éditions Peter Lang, donc pour les colloques universitaires, ça prend généralement une année, voire un peu plus, ouais, pour arriver à publication. Donc en fait, je pense que l'ouvrage sera disponible à la fin de l'année 2019. Mais écoutez, on... C'est un peu long, mais c'est le rythme de la publication universitaire. Bien sûr, c'est normal. On n'est pas dans le même rythme que dans le rythme des médias, et c'est fort bien. Merci à vous, Philippe Chassaigne, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Nicolas Detry, donc en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Votre thèse, on peut la lire en intégralité sur le site Archives Ouvertes, c'est cela, Nicolas Detry? Oui, oui, et je travaille à sa publication, mais c'est pas facile de mener tout de front parce que la thèse est trop longue, elle fait 880 pages et le livre devrait faire 350 pages. Je suis en contact avec une maison d'édition à Paris, mais la balle est dans mon camp parce qu'il faut que j'arrive à réduire ce texte. Pardon. Merci à vous et on l'attendra avec impatience. Et quant à vous, Brian Patterson, vous venez de l'entamer votre thèse, donc on attend un petit peu de temps avant de savoir ce que vous allez conclure sous la direction de Georges Didier-Huberman sur la question de détruire l'espace. Ça va pas tarder. Ben, très bien, merci beaucoup, à bientôt. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Jean Frédéric nous accompagnait aujourd'hui pendant toute cette émission à la technique et Thomas Duterre était à la réalisation. Et demain, eh bien, nous nous intéresserons à la façon, justement, on en a déjà parlé aujourd'hui, de dépasser la perte. Comment peut-on dépasser la perte d'un herbicide ou de monuments culturels, de catastrophes culturelles? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités de demain. Si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur cette émission ou sur toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez y écouter l'émission, bien entendu. Puis ensuite, vous pouvez la commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter et là encore commenter cette émission ou toutes les autres. Donc l'adresse Twitter c'est Fabrique FC, Fabrique FC. À demain.